Section 72 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e. Section 72. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages. Par Adolphe Burdeau. Chapitre 9, suite. Le but de Stanley, en revenant au lac Tanganyika, était de faire avec soin le périple de la côte ouest, pour s'assurer notamment si, oui ou non, cette immense nappe d'eau a une issue quelconque. Cameron, qui avait passé par là peu de temps auparavant, penchait pour l'affirmative et indiquait, comme émissaire du lac, la rivière Lukuga qui coule vers l'ouest et serait un affluent du Livingstone. Stanley, lui, pensait au contraire que le grand lac n'a pas de déversoir. Et cette idée s'était encore affermie dans son esprit par l'observation suivante. Trois palmiers, qui en novembre 1871 se trouvaient sur la place du marché d'Ujiji, étaient en 1876 dans le lac, à 100 pieds de la rive. Et la grève, où, lors de son premier voyage, Stanley se promenait avec Livingstone, était recouverte d'eau sur une largeur de 200 pieds. « Si le niveau monte ainsi, se disait-il avec raison, c'est donc que le lac n'a pas d'issue. Il est vrai que dans ces contrées équatoriales où la végétation est si forte, les émissaires fluviaux peuvent être momentanément obstrués par une véritable montagne de papyrus. Les eaux tendent alors vainement de renverser cette barrière, et souvent même on les voit se creuser un autre chemin. » Quoi qu'il en soit, Stanley vit se confirmer son hypothèse. Il explora attentivement les contours du Tanganyika, recueillit maints renseignements de la part des indigènes, se livra à de continuelles observations et resta convaincu que les eaux du lac avaient notablement monté depuis plusieurs années et qu'aucune issue ne pouvait exister. Les Arabes d'Ujiji confirmaient de leur côté que depuis 30 ans le Tanganyika n'avait fait qu'enfler, qu'à cette époque existaient des rizières qui aujourd'hui sont dans le lac à 3 milles du rivage, et que chaque année, les eaux enlèvent quelques nouvelles portions des cultures. Elle est assez originale, d'ailleurs, la légende de ce grand lac, telle que la racontent les pêcheurs d'Ujiji. « Il y a longtemps, longtemps, disent-ils, à la place où l'on voit le Tanganyika, se trouvait une plaine immense, habitée par beaucoup de nations qui possédaient de grands troupeaux de vaches et de chèvres. Dans cette plaine, il y avait une grande et belle ville défendue par une forte estacade. Toutes les maisons de cette ville, comme c'était la coutume alors, étaient entourées de grandes haies et de cannes, enfermant des cours où l'on rentrait le bétail pendant la nuit pour le garantir des bêtes sauvages et des voleurs. Dans un de ces enclos vivait avec sa femme un homme, propriétaire d'une source profonde qui alimentait un joli petit ruisseau où venaient boire les bestiaux du voisinage. Cette fontaine, chose étrange, contenait des poissons sans nombre qui fournissaient à l'homme et à la femme une nourriture abondante. Mais comme la possession de ce trésor dépendait du secret le plus absolu, personne, en dehors du cercle de la famille, n'en avait connaissance. Une tradition transmise de père en fils portait que le jour où la fontaine serait montrée par l'un d'eux à quelque étranger, la famille serait ruinée et détruite. Mais il arriva qu'à l'insu du mari, la femme aima un autre homme de la ville, et sa passion grandissant, elle porta en cachette à cet homme quelques poissons de la fontaine merveilleuse. La chair en était si bonne et d'un goût si nouveau que l'amant voulut savoir d'où elle venait. Pendant longtemps, la crainte des terribles conséquences de son indiscrétion fit résister la femme aux questions pressantes qui lui étaient adressées. Puis, malgré son respect pour la divinité de la source et la frayeur que lui inspirait la colère de son mari, elle promit de dévoiler le mystère. Un jour, le mari eut à faire un voyage. Avant que de partir, il recommanda strictement à sa femme de prendre soin de la maison et de ce qu'elle renfermait, surtout de garder le silence sur la fontaine, de n'admettre aucun étranger dans l'enclos, et de ne pas aller faire la causette chez les voisins pendant qu'il serait absent. La femme, naturellement, promit d'obéir. Mais l'épouse était à peine en route qu'elle courut retrouver son amant et lui dit « Mon mari est parti pour un voyage qui durera plusieurs jours. Tu m'as souvent demandé où je me procurais cette chair délicieuse que nous avons mangée ensemble. Viens, tu vas le savoir. Son amant, tout joyeux, la suivit. Ils entrèrent alors dans la maison, où la femme le régala de zoga, vin de palme, de maramba, vin de banane, d'ougali, sorte de bouillie indigène, de farine de maïs, d'huile de palmier assaisonnée de poivre, et de quantité de poisson. Le repas terminé, l'amant lui dit « Nous avons mangé et bu, nous voilà rassasiés. Maintenant, montre-moi où tu prends cette viande merveilleuse, qui est si blanche, et bien meilleure que la chair d'agneau, de chevreau ou de poulet. » « Oui, répondit-elle, parce que je te l'ai promis et que je t'aime tendrement. Mais c'est un grand secret, et mon mari m'a bien recommandé de ne le dire à aucun être humain qui ne soit pas de la famille. Tu devras donc, mon amour, n'en parler à personne, et tu ne me trahiras pas, car il nous arriverait malheur à tous. Sois sans crainte, ma bouche sera close et ma langue sera liée. » Ils se levèrent. Elle le conduisit vers l'enclos qui était soigneusement entouré d'une haute palissade, et le prenant par la main, le fit entrer dans l'enceinte. Là, elle lui montra un étang de forme ronde, rempli d'une eau limpide qui montait en bouillonnant des profondeurs du sol. « Regarde, dit-elle, voilà notre fontaine merveilleuse. N'est-elle pas belle ? C'est là que sont les poissons. » De sa vie, l'homme n'avait rien vu de pareil, car il n'y avait pas de rivière dans la contrée, excepté le virulé qui sortait de cette fontaine. Sa joie était si grande qu'il s'assit auprès de l'eau et regarda les poissons frétiller, sauter, se poursuivre les uns les autres, plonger et revenir à la surface, montrer leur ventre aux écailles blanches, leurs flancs aux vives couleurs, et disparaître au fond de la source. Jamais, jamais il n'avait éprouvé autant de plaisir. Tout à coup, un poisson plus hardi que les autres s'étant approché, l'homme étendit la main pour le prendre. Ah! Ce fut la fin de tout. La divinité était en colère. Le sol se fendit, la plaine enfonça tellement que ce fut bientôt comme un vaste entonnoir. La fontaine déborda et remplit cette déchirure qui s'était faite dans la terre. Et aujourd'hui, à la place de la plaine riante, des villages, des champs verdis, vous ne voyez plus qu'une immense nappe d'eau, le Tanganyika. Tous les gens ont péri. Maisons, jardins, troupeaux, tout fut englouti dans les eaux. Seul le mari n'est pas mort. Quand il revint de voyage, apercevant ce grand lac à la place où il avait son pays, il comprit que le secret de la fontaine avait été trahi par sa femme. Et longtemps il erra aux alentours, jusqu'à ce que la divinité des eaux, le prenant en pitié, lui inspira l'idée de fonder sur ses rives une nouvelle ville, qui fut Ujiji. Telle est la légende du vieux Tanganyika, que redisent dans leurs chants les notonniers du Grand Lac, et qu'écoutent les noirs bébés, le soir, quand, revenant des marchés dans l'entour, les canots se hâtent de regagner le port à force de rames et la voile gonflée. L'exploration que fit Stanley du lac Tanganyika est une des phases importantes de son voyage. Avec une patience, une ténacité que rien ne rebutait, il a fouillé avec son petit bateau, le Lady Alice, tous les coins, les recoins, les havres, les golfs, les moindres sinuosités des rives, étudiant les courants, la nature de la végétation, les audacieuses formations granitiques, observant le mouvement des eaux, mesurant, sondant, l'œil toujours en éveil, et arrachant aux indigènes quelque éclair de vérité au sein de leurs légendes, de leurs chants nationaux. De cet ensemble, il a tiré des déductions devant lesquelles on serait tenté de s'incliner sans réserve, si elle n'était contredite par un homme d'une science indiscutable, par le lieutenant de marine Cameron, qui le premier fit le périple du Grand Lac, et lui assigna formellement comme émissaire la rivière Lukuga. Fin de la section 72.